France Inter. France Inter.fr. Marins de toutes les mers, aviateurs de tous les ciels, artilleurs, fantassins, cavaliers de tous les pays, tués par la guerre, je vous appelle. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. La Grande Guerre qui va devenir mondiale, premier épisode, la Belgique. Wir werden uns sehen bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Cette voix est celle du Kaiser Guillaume II, alors qu'il lit pour les archives sonores la proclamation qu'il vient de faire publier le 6 août 1914. Il vient de lancer ses armées à travers la Belgique neutre. Bien des acteurs, à commencer par le Kaiser, de l'inouï mois de juillet 1914, nous paraissent rétrospectivement comme des somnambules qui marchaient sur un fil au-dessus d'un gouffre. Avait-il vraiment compris qu'il était explosif de vouloir toucher à deux pays, petits certes, mais qui n'étaient pas isolés? Au début de juillet, après l'attentat de Sarajevo, c'était la Serbie qui était en question. Le Kaiser croyait que son compère François-Joseph pourrait la rosser sans que la Russie et d'autres puissances n'interviennent. Début août, c'était la Belgique. L'état-major allemand n'avait pas d'autre plan que de passer sur le corps de ce royaume neutre et déterminé à rester indépendant. Comment n'y aurait-il pas eu de réaction? La Belgique, en 14, se tint debout face au rouleau compresseur. En 18, elle sortit ruinée du conflit, ruinée mais valorisée à l'extérieur comme à l'intérieur, au point que son roi soldat, Albert Ier, qui avait incarné la résistance sur un lambeau de territoire, put dire « le pays peut se regarder avec fierté ». On comprend qu'en 2014, la Belgique s'apprête à commémorer avec ardeur le centenaire du déclenchement de la guerre. Au pouvoir affaibli, l'esprit de célébration sert à reconstruire une unité, on le sait aussi en France. Laurence Van Iperzel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur à l'Université catholique de Louvain et vous participez au comité éditorial d'une initiative internationale qui va nous servir beaucoup tout au long de cette semaine de la marche de l'histoire. C'est un produit de l'édition un peu unique au moment où, en général, on voit des livres uniquement franco-français fleurir sur le marché. Alors racontez-nous ce projet auquel vous avez contribué. Alors c'est un grand projet qui est initié par l'Historial de la Grande Guerre de Péronne, qui rassemble des historiens internationaux. Et donc c'est la vision internationale de ce conflit qu'on a voulu mettre en avant. Ça fait une vingtaine d'années que l'historiographie de la Première Guerre mondiale a le vent en poupe et qu'elle a fait des progrès assez impressionnants. Et nous nous sommes dit que c'était le moment de faire le point avec une cinquantaine d'auteurs sur non pas une histoire où l'on pose 14-18 en France, en Belgique, en Pologne, etc., côte à côte, ce qui est déjà intéressant, mais de vraiment avoir un regard transnational. Qu'est-ce que combattre? Qu'est-ce que être orphelin? Qu'est-ce que être un civil sous le feu des bombes, etc. Et donc, il permet de poser des questions novatrices par rapport à ce conflit. Sous la houlette de Jay Winter et d'Annette Becker, parution simultanée en anglais aux presses universitaires de Cambridge et en français aux éditions Fayard. Au début, avant que la guerre ne devienne globale, on croyait que ça allait être un conflit localisable parmi d'autres. On avait connu des crises internationales depuis la fin du 19e et le début du 20e. L'attentat de Sarajevo appelait une réponse de l'empereur d'Autriche-Hongrie. Le Kaiser a décidé, fin juillet, début août, de laisser les mains libres à François-Joseph. Il est d'ailleurs parti ensuite en croisière, comme d'habitude, sur les fjords de Norvège. Et quand il revient, à la fin du mois de juillet, la plotte s'est embrouillée à tel point qu'aucun des acteurs ne sait plus démêler les choses. En effet. Donc c'est une machine infernale et quand on voit les causes de la guerre par rapport à ses conséquences, c'est sans commune mesure. Il y a une disproportion totale. Alors ce qui explique ce déclenchement, fondamentalement, c'est que les États-nations se sont développées tout au cours du 19e siècle, mais qu'il y a une tension à la veille de la Première Guerre mondiale entre les systèmes d'États-nations et les grands systèmes impériaux multiethniques que sont l'Empire des Habsbourg, des Romanov du Sultan, l'Empire ottoman. Et la petite nation, petit État-nation Serbie doit être écrasée par l'empire multiethnique. Et on voit que ce sont les empires qui vont s'effondrer et le triomphe des États-nations qui va apparaître. Mais fin juillet 1914, on voit aussi que, au nom de la nécessité pour l'Autriche-Hongrie de rosser la Serbie, il va falloir passer sur le corps de la petite Belgique. Alors ce déplacement de l'Est à l'Ouest des enjeux est un peu étrange. Ah, ça, c'est le fruit des grandes coalitions. Il y a deux blocs au début du XXe siècle qui se sont formés. Les centraux, avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, qui est un allié moins sûr, qui sera remplacé par l'Empire ottoman. Et de l'autre côté, les Russes, les Français et les Anglais. Et dès le moment où les mobilisations se mettent en route, puisque la Russie décide de défendre la Serbie, mais la Russie, c'est l'allié de la France, et l'Autriche-Hongrie est l'allié de l'Allemagne. Du coup, on voit tout de suite le déplacement des tensions qui vont aller sur le front occidental, d'autant que l'Allemagne a un plan, le plan Schlieffen depuis 1906, qui a prévu, face à ces deux blocs, que s'il y avait une guerre, elle devrait se battre sur deux fronts. Et qu'elle sait que les Russes mettront du temps à mobiliser. Et donc, il faut mettre le paquet sur le front occidental, qu'on ne peut pas atteindre la France comme ça après la guerre franco-prussienne. Eh bien, les frontières françaises et allemandes sont tellement bardées de militaires et de forts. Ça ne pourra pas aller avec des pertes acceptables. Sans impossible. Passer par la Belgique. Et donc, il faut passer par la Belgique pour arriver dans le ventre mou de la France. Mais est-ce que la Belgique a conscience de ce danger? Oui, si on entend un certain nombre de témoignages recueillis par nos confrères de la RTBF au moment du 50e anniversaire du déclenchement de la guerre. Parmi les témoins directs des journées historiques d'août 1914, nous avons cru particulièrement opportun, mesdames et messieurs, d'interviewer le ministre d'État Aloïs van de Wivereux, ministre des Finances dans le cabinet de Broqueville. Depuis la visite protocolaire que le roi Albert avait faite à l'empereur d'Allemagne, nous savions que la Belgique aurait à choisir qu'elle devrait s'allier à l'Allemagne et abandonner sa neutralité ou qu'elle devrait combattre pour défendre son honneur et son territoire. Le gouvernement ne pouvait évidemment pas avoir d'idée précise sur la date à laquelle il faudrait ouvertement faire son choix. Mais on s'attendait à un ultimatum et on s'attendait aussi, le cas échéant, à l'invasion allemande en Belgique. Le gouvernement de Broqueville avait introduit le service personnel et avait fait de grandes dépenses pour armer nos forts. Évidemment, ces efforts devaient être vains devant la puissance de l'Allemagne. Alors une émission de Charles Daïes qui doit être une sorte de Léon Zitrone belge et à laquelle nous emprunterons beaucoup. Le roi, le gouvernement, savait depuis un moment que le danger était là. Oui, et ce qu'Aloïs van de Wivereux ne dit pas, c'est qu'en fait, depuis la crise d'Agadir en 1911, le bureau politique des affaires étrangères a planché sur le problème. Ils se sont rendus compte que s'il y avait une conflagration, la Belgique n'échapperait pas à cette conflagration. Contrairement à l'imaginaire dominant du public belge qui restera dans une naïveté en se disant ben, « on a échappé à la guerre franco-prussienne grâce à notre neutralité, donc on échappera toujours à tout ». Est remis au gouvernement de Broqueville en 1912 un plan en disant « il va falloir choisir et il faut décider ce que l'on va faire ». Et la seule décision possible, c'est de se défendre réellement. Tirer trois coups en l'air, ça ne suffira pas, il va falloir se défendre. Et donc la décision politique, elle est prise depuis 1912, donc avant que le roi Albert n'aille voir le Kaiser en 13. C'est tout à fait clair et ils vont même aller très très loin parce qu'ils vont se dire « Très bien, on va devoir faire appel à nos garants. Quand ? Dès l'ultimatum, non. Seulement quand la neutralité est violée. Donc ils vont aller vraiment dans le détail. Ils ont un plan très, très clair. Par contre, au niveau militaire, ce sera moins clair. Alors, pas de surprise au niveau diplomatique. Nous sommes maintenant le 27 juillet 1914. Le témoin qu'on entend ici était diplomate à Berlin. Son père était ministre à Bruxelles. Le premier souvenir porte la date du 26 juillet 1914. Ce jour-là, mon chef, le baron Beyens, rédige un rapport très pessimiste. Il disait entre autres, l'ultimatum à la Serbie est un coup préparé entre Vienne et Berlin, ou plutôt imaginé à Berlin et exécuté à Vienne. La perspective d'une guerre européenne ne fait pas hésiter les Austro-Allemands si le désir de la déchaîner n'a pas été le mobile de leur conduite. Nous devons nous tenir prêts aux pires éventualités. Ces termes, après tant d'années, sont toujours présents à ma mémoire. Je vois encore mon père lisant le rapport. Lui, toujours si calme, ne pouvait cacher son émotion. Sans perdre de temps, il appelle ses collaborateurs. Peu après, il va conférer avec le chef du gouvernement, le baron de Broglie. Le soir même, je repars pour Berlin, certain que le gouvernement est conscient du danger et qu'il avisera aux mesures militaires à prendre. Juste une remarque avant qu'on ne parle du peuple mobilisable. C'est un d'Avignon qui parle là. Fils de d'Avignon, père de d'Avignon, il y a toute une oligarchie hein, autour de la monarchie. Absolument, mais il faut dire qu'en 14, la Belgique est depuis 30 ans sous domination catholique et donc elle a pu mettre ses pions et ses enfants. Et puis il y a certaines dynasties de gens importants, telles la famille d'Avignon. Le peuple mobilisable est surpris et la mobilisation, laissiez-vous entendre, n'est pas si facile. Non, on est prêt au niveau politique, mais au niveau militaire... On a essayé de rattraper le temps parce que la Belgique ne voulait pas faire des dépenses au plan militaire puisqu'on était sous la garantie de la neutralité. Après ce rapport dont j'ai parlé, eh bien, on commence à, au niveau du gouvernement, pas des gens, on commence à changer d'optique. Résultat des courses de Broglie fait passer le service militaire généralisé. Léopold II avait déjà contre vents et marées lutté pour un fils par famille, si bien qu'en 1914, au moment de la mobilisation, on va mobiliser 200 000 hommes, dont seulement 100 000 hommes sont capables de combattre, qui est une armée qui est en pleine réorganisation et qui est régie par trois lois de milices différentes, sans compter les désaccords qu'il y a au lieu dans l'état-major, entre les deux grands ponts de l'état-major, qui n'ont toujours pas réussi à mettre au point un plan stratégique. Il y a toujours des disputes. Si bien que, à la veille de la guerre, c'est le roi lui-même qui va décider de laisser la 3e division armée à Liège. Le roi qui prend une place qui ne va que grandir avec les années. Nous sommes maintenant le 4 août, deux jours après l'ultimatum. Devant les chambres, Albert Ier s'exprime. On a entendu tout à l'heure le Kaiser qui a consenti à rejouer son rôle dans l'entre-deux-guerres quand il était en exil aux Pays-Bas. Et Albert Ier n'a jamais accepté de rejouer son rôle et de dire des textes de 1914 après la guerre. On n'en a retrouvé aucun. Je ne sais pas s'il a refusé, parce que je ne sais pas si on le lui a demandé, mais si on le lui a demandé, je suis sûr qu'il aurait refusé. Il n'aimait pas son mythe, il s'en méfiait, il ne voulait pas l'utiliser de manière commerciale. Donc ici, c'est un comédien qui prend la place du roi. Jamais, depuis 1830, heure plus grave n'a sonné pour la Belgique. L'intégrité de notre territoire est menacée. La force même de notre droit, la nécessité pour l'équilibre de l'Europe, de notre existence autonome, nous font espérer encore que les événements redoutés ne se produiront pas. Si l'étranger, au mépris de la neutralité, viole le territoire, il trouvera tous les Belges, groupés autour du souverain, investis de la confiance absolue de la nation tout entière. L'ultimatum allemand et la réponse belge était connu de la population depuis quelques heures. Dans toute la foule qui encombrait les rues, on sentait un frémissement extraordinaire de ferveur patriotique. Célébrons par nos accords les droits sacrés d'une si belle cause et rions des mains et formes que l'ennemi nous oppose. Oh, La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Ce lundi, notre point de vue sur la Grande Guerre qui commence, le point de vue des Belges, avec Laurence Van Eppersel, qui est professeur à l'Université catholique de Louvain. La Belgique n'est pas entièrement balayée d'un coup, hein. Non. Les Belges sont surpris, contrairement au gouvernement belge, ils sont indignés et ils vont se mobiliser très fort autour de la figure du souverain, mais aussi au sein de l'armée. Et donc pendant toute une période, ce qu'on appelle la guerre de mouvement, fonce, donc c'est 800 000 hommes qui foncent sur la place fortifiée de Liège, qui est le goulot d'étranglement par lequel toute l'armée, les armées allemandes doivent passer pour après ça se rabattre sur la France et prendre Paris en tenaille, puisqu'ils partent aussi de l'Alsace. Liège se défend beaucoup plus que ce que les Allemandes croyaient. Parce que la défense que les Belges, pour l'honneur, hein, sans aucun espoir de vaincre, en espérant tout de l'arrivée des garants, ce que les Belges vont faire, va épater aussi bien les Français, qui ne s'attendaient pas plus que les Allemands à cette défense. Et donc, Liège va tenir jusqu'au 16 août. Et les Allemands vont devoir faire venir leurs 420 mm, ce qu'on surnommait les grosses Bertha, pour faire exploser l'effort, parce qu'ils n'y arrivent pas comme ils le croyaient. Et après, on va vers Anvers, je parle des ministres, du roi et d'une partie de l'armée, et quand les Allemands croient pouvoir saisir les responsables belges par une manœuvre habile, ils se sont portés sur un autre lieu. Ce qui va se passer, c'est qu'ils font tomber Liège, les Français arrivent dans le sud de Luxembourg, ils vont devoir reculer jusqu'à la Marne. Les Allemands continuent sur Namur. Namur tombe le 24 août. Les Britanniques essayent de rejoindre les Français sur Mons et ils n'arrivent pas à faire la jonction. Ils vont aussi devoir reculer. Et chaque fois qu'une armée est défaite du côté belge, elle se reporte sur ce que l'on croyait être la position imprenable qui était Anvers. Ce ne sera pas le cas. Ils vont devoir in extremis, début octobre, quitter Anvers pour se replier sur l'Isère. Ah, l'Isère. Alors là, c'est un mythe qui commence, la résistance sur l'Isère, la défense du dernier lambeau de territoire national, quelques 10-15 kilomètres d'épaisseur, avec au départ, nous sommes donc en octobre 1914, un appui de la part des Français, le témoignage d'un ancien combattant français, monsieur Tournery. Nous sommes arrivés en Belgique au mois de juillet. Le 31 juillet, nous avons traversé le canal de l'Isère. Le génie nous avait lancé des caillebotis sur des packs de Liège. On est passé de l'autre côté, les Allemands, on est passé en sans trop de casse. Ça a été une chance inouïe. Il pleuvait, il faisait mauvais. On avançait dans la boue. Alors la Belgique, était impossible d'avoir les tranchées. C'est la campagne. Et arrivé le soir, on arrive devant Biscotte. Biscotte est à 8 km à droite d'Ypres. Telle heure indicible où l'humaine cible frissonne impassible au fond de son cœur. Et c'est l'heure obscure où sous notre armure s'insinue sur la main de la peur. Bah, léger mécompte, l'angoisse se dompte et le sang remonte orgueilleux et vif. Doigt sur la gâchette, le soldat furette et par la nuit guette d'un œil attentif. Les canons rugissent, les balles ratissent, les abris gémissent sous les coups de fer et plus la barre. Et plus l'on bombarde, plus belle est la garde au bord de l'Isère. Damia, la garde de l'Isère. Le roi chef des armées va se tenir ensuite, longtemps encore, jusqu'à la dernière année où il va accepter de participer à des opérations de mobilité. Sur cette position, on sait très peu, Laurence Van Eppersel, que Albert Ier a refusé de fondre son armée, de participer à des offensives qui seraient mangeuses d'hommes, dévastatrices de territoires. Il était à part. Il était tout à fait à part. Il a voulu maintenir la neutralité de la Belgique. C'était une guerre du droit, du droit et de la civilisation contre la barbarie. Il a utilisé cette propagande pour protéger son armée. Il n'a pas d'alliés. Il n'est pas l'allié des alliés. Les alliés ne sont que ses garants. Il y a les Français qui arrivent, il y a les Britanniques qui arrivent aussi sur l'Isère. Et il va négocier avec les alliés. Il tient une partie du front, qui va de Nieuport à Dixmude, c'est-à-dire les écluses, qui gère cette inondation qui a tellement marqué les esprits, qui a arrêté l'avancée allemande. Il ne croit pas aux grandes offensives. Il ne veut pas lancer sa petite armée, qui a payé un très lourd tribut pendant la guerre de mouvement. Une bataille de la Première Guerre mondiale est capable de raser de la planète toute l'armée belge. Hein, il faut avoir ça quand même un petit peu en tête. Et donc, lui va maintenir coûte que coûte cette neutralité qui n'est plus que fictive. Résultat des courses, d'une part, le mythe du roi Albert qui est tellement bien dans la propagande alliée britannique. Hein, les Britanniques sont arrivés pour sauver la poor little Belgium. Hein, et donc la figure du roi soldat, du knight king, c'est très important. On ne peut pas s'en passer. Mais dans les états-majors, on aime beaucoup moins. Parce qu'on aimerait bien profiter de l'armée belge pour renforcer les armées alliées. Mais résultat des courses, l'armée belge est particulièrement protégée. La vie des soldats est particulièrement protégée. Et donc, si on voit au total, hein, si on prend le total des pertes de l'armée belge, c'est très peu au regard des autres. Oui, on moins de 40 000 hommes. Voilà, environ 40 000 hommes, c'est très peu. Les civils, en revanche, qui sont restés sur le territoire de la Belgique et qui sont soumis au gouvernorat du général Van Bissing, se retrouvent en butte à la coercition, à une occupation de plus en plus violente. Surtout, elle était violente, elle sera violente tout le temps. Massacres du tout début. Mais... Pendant la guerre de mouvement, il y a eu des massacres de civils. On compte quand même près de 6000 civils qui ont été massacrés. Et donc, ça a complètement traumatisé la population, plus les réquisitions forcées, les pillages, etc. Rapidement, dès la stabilisation des fronts, l'Allemagne se retrouve avec des territoires qu'elle n'avait pas prévus. Et donc, elle va improviser une occupation qui sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dure que l'occupation de 40-45. Après-guerre, un peu plus d'une dizaine de milliers de personnes seront reconnues comme des personnes héroïques, on allait dire des résistants. Je ne sais pas si le mot est utilisable à l'époque. Non, on n'utilisait pas ce mot-là, parce que la résistance, c'est la résistance sur l'Isère, c'est la résistance de l'armée. Le mot résistance va aussi recouvrir la résistance morale. Par exemple, la figure du cardinal Mercier, qui refuse la main tendue par l'occupant, mais il y a aussi une résistance clandestine, des réseaux de renseignement qui se mettent en place, des réseaux qu'on dira d'évasion pour 40-45, des réseaux de passeurs d'hommes, du courrier clandestin, parce que ce pays est pratiquement en cage, hein, il faut voir, quitter ce pays par le front, c'est impossible. Par l'Est, ça allait chez l'ennemi, ça n'a pas d'intérêt. Donc par le Nord, parce que les Pays-Bas sont restés neutres, eh bien, beaucoup de gens vont essayer de fuir par là. Résultat des courses, en 1915, les Allemands vont ériger une barrière électrifiée. Il y a des centaines de personnes qui vont mourir électrocutées. Donc on est dans un pays complètement en cage. Aussi bien, les familles et les soldats n'ont pratiquement aucun moyen de communication. Et on sait combien les courriers étaient importants pour le moral des soldats. Eh bien, il y a des réseaux clandestins qui vont risquer leur vie pour faire passer du courrier familial. Donc voilà, on a la mise en place d'une véritable résistance organisée et dont près de 300 personnes vont le payer de leur vie. Et avec à l'horizon la terre demeurée belge, ce n'est qu'un peu de terre avec la mer au bord. Et le déroulement de sa dune inféconde, ce n'est qu'un bout de sol étroit mais qui renferme encore son roi. Et sa reine, Émile Verhaeren, la reine. Je me souviens, après la chute de Liège, le roi et moi-même avons quitté Corbeil-Essonne pour suivre le gouvernement qui quittait Bruxelles pour s'établir à Anvers. Le roi a toujours conservé son optimisme. Le roi me mettait au courant à la situation militaire et me donnait volontiers ses impressions au jour le jour. Le roi était continuellement au contact de l'armée, dont il suivait les opérations et y payait même de sa personne. C'était un soir sur les bords de l'Isère, un soldat belge qui montait la faction. Va passer trois gardes militaires, parmi lesquels était le roi Albert. Qui vive là, lui dit la sentinelle. Qui vive là, vous ne passerez pas. Si vous passez, craignez ma baïonnette. Retirez-vous, vous ne passerez pas. Halte là. Le roi Albert, en fouillant dans ses poches, très lui dit-il, voilà la croix de guerre. La croix de guerre est la décoration. La croix de guerre est à ma boutonnière. Pour avoir dit, alors, une des chansons les plus connues de la mythologie du roi Albert, qui donne lieu à de multiples interprétations, celle-ci est particulièrement martiale. La reine fait partie aussi du mythe. Alors, la reine Elisabeth, quand le roi est vivant et tenu. Absolument. Certaines limites par lui après. Et le roi, lui, n'arrive pas à tenir son mythe. Parce que quand il va rentrer, 22 novembre 1918, joyeuse entrée à Bruxelles, et dans les années qui vont suivre, la mythologie va enfler. Ah oui, oui, il va résister à son mythe. Bon, ce mythe, on peut dire que c'est un héros qui a la particularité, on peut noter sa naissance très précisément lors de son discours du 4 août 1914. Immédiatement, il y a un consensus qui se fait autour de la figure du roi qui incarne l'indignation et la dignité du pays qui est prêt à résister. Ça va se poursuivre, parce qu'on peut avoir son heure de gloire et puis c'est fini. Ça va se poursuivre parce qu'il est le seul chef d'État et chef d'armée qui reste pendant les 4 années auprès de ses soldats. Il vit à côté de ses soldats, il va dans les tranchées, jusque dans les premières tranchées, visiter les gens. On a toutes sortes de témoignages. Mais les flamingants, comme on disait à l'époque, qui ne comprenaient pas toujours les Wallons dans les tranchées, ils avaient pour le roi la même admiration, absolument, sans partage. Absolument. Le roi était aimé par l'ensemble du peuple belge et il était adulé par l'ensemble des soldats. C'est vraiment le protecteur de la vie des soldats. Il a fait échapper tous ses soldats à Verdun, à la Somme, à Passchendaele, etc. Donc oui, le problème linguistique dans les tranchées, c'est clair que les officiers sont des francophones qui donnent leurs ordres essentiellement en français. Qu'il y a un paternalisme vis-à-vis du petit flamin, comme on dirait en Wallonie, et il y a parfois du mépris ouvert, c'est vrai. Mais de là, ce sont les intellectuels flamands dans les tranchées qui vont mettre en place le mouvement du front, qui a des revendications linguistiques. Mais ce n'est pas du tout contre le roi. À son retour, le roi Albert va accorder le suffrage universel à tous les hommes et aux veuves de guerre. Il souhaiterait le maintien de l'université flamande de Gand, qui avait été très flatté par les Allemands. Il va mettre en cause les activistes flamands inciviques, plus que les activistes wallons inciviques. Mais son culte va se prolonger jusqu'à sa mort en 1934 et bien au-delà. Juste un mot des commémorations en Belgique pendant cette année 2014 qui vient. Les élections législatives ont lieu au mois de mai. Ça coïncide. Les séparatistes flamands veulent creuser encore le fossé davantage. Et alors, M. Zimet, qui organise du côté français une partie des célébrations, dit c'est avec le gouvernement fédéral qu'il faut travailler. Le gouvernement fédéral qui célèbre Albert Ier à sa satiété. Pas à satiété, non. Il y aura une grande commémoration le 28 octobre 2014 à Nieuport, et là ce sera la figure du roi, et puis à Ypres, et là ce sera plus global. Non, parce que les étrangers, c'est pas seulement Zimet, c'est les étrangers en général, ont beaucoup de mal à comprendre la complexité de ce petit pays, mais même certains Belges ont beaucoup de mal. Et donc quand on invite la Belgique, qui va commémorer, et qu'on invite que le fédéral, qui en fait a un rôle mineur dans les commémorations, son rôle c'est essentiellement quelques grands événements et puis de mettre autour de la table flamands et wallons. Mais la réalité vivante des commémorations, c'est en Flandre, c'est le gouvernement flamand et en Wallonie, c'est le gouvernement wallon. Et donc, quand M. Zimet veut parler des commémorations, eh bien, ce serait mieux de dire on prend le commissaire fédéral, on prend le représentant wallon, représentant flamand, peut-être même le bruxellois et le germanophone. Donc, les Français ont du mal aussi à prononcer les noms belges, alors je vous laisse redire le vôtre, parce que je l'ai écorché tout au long de cette émission. Laurence Van Ieperzeel. Et vous avez participé à cette grande opération éditoriale, Presse universitaire de Cambridge et Fayard, sous la direction de Jay Winter, une nouvelle histoire de la Grande Guerre. Jacques Sigal a réalisé cette émission avec Éric Morin à la technique et la préparation. C'était Franck Olivard et Frédéric Martin.